troisième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'invention d'un État, Israël. Aujourd'hui, nous visitons une exposition à Paris consacrée à Elmar Lersky. Le moindre des paradoxes de l'émission de ce matin, c'est de nous intéresser à un cinéaste et photographe qui a quitté la Palestine juste avant la déclaration d'indépendance d'Israël en 1948. Dans cette balade sonore au musée d'art et d'histoire du judaïsme, dans l'exposition qui lui est consacrée, donc il s'appelle Elmar Lersky, eh bien nous allons pouvoir comprendre comment il a travaillé aux États-Unis avant la Première Guerre mondiale et dans l'avant-garde des studios allemands, promoteurs de l'expressionnisme allemand pendant l'entre-deux-guerres. Elmar Lersky découvre et s'installe en Palestine au début des années 1930, où il a contribué à la création de la photographie et du cinéma du foyer national juif avant la création d'Israël. Anaïs Quien et Thomas Duterre sont pour cette visite en compagnie de Nicolas Feuilly, commissaire de l'exposition, de Florian Ebner, chef du cabinet de la photographie au Centre Pompidou, et de Paul Salmona, directeur du musée d'art et d'histoire du judaïsme, où se tient cette exposition à Paris. Exposition consacrée à Elmar Lersky, la première grande rétrospective en France. Paul Salmona s'ouvre sur un autoportrait d'Elmar Lersky et ce n'est pas anodin. Oui, en effet, c'est la première rétrospective d'un artiste qui est en fait assez peu connu, voire pratiquement inconnu du public en France, en dehors de quelques collectionneurs. C'est un artiste assez nomade, né en 1871 à Strasbourg, qui émigre à 22 ans aux États-Unis, de parents juifs polonais installé en Suisse, qui revient en Allemagne en 1915 après avoir fait une carrière d'acteur, puis avoir basculé vers la photographie sous l'influence de sa première femme, qui à Berlin va faire une carrière tout à fait remarquable comme chef opérateur dans le cinéma et comme spécialiste des effets spéciaux, puis va revenir à la photographie dans les années 20, être très remarqué dans l'avant-garde photographique allemande dans les années 20 et partir en Palestine en 1931 pour s'y installer en 32 jusqu'en 48 où, curieusement, quelques mois avant l'indépendance, il revient finir ses jours à Zurich où il meurt en 56. On a eu la possibilité en 2015 d'acheter un fonds très important de 435 photographies anciennes de Lersky qui étaient, on va dire, restées en Palestine en 48 lorsqu'il est parti un peu précipitamment en avion pour rentrer finir ses jours à Zurich. Florian Ebner, qu'est-ce qui explique qu'on ait autant oublié Elmar Lersky parce que de son vivant il n'a jamais été un grand marginal, il a toujours été reconnu pour quasi l'intégralité de son œuvre cinématographique ou photographique. Il a été souvent considéré comme quelqu'un qui est dans l'ombre de August Sander, un autre grand photographe de langue allemande, germanophone. Et c'est effectivement un contemporain qui a beaucoup influencé l'histoire de la photographie depuis les années 70. Et Lersky, c'est vraiment une œuvre qui a plusieurs couches, plusieurs enjeux, c'est-à-dire un enjeu esthétique, un enjeu politique. Il y a peut-être aussi cette complexité qui a évité, en fait, qu'on regarde de plus près ce grand artiste. Et je trouve que c'est vraiment quelqu'un remarquable. Et je pense aussi que cette exposition révèle toutes ces couches de manière vraiment convaincante. Il semble aussi que la mémoire d'Elmar Lersky ait perduré davantage à l'Est qu'à l'Ouest aussi. Une espèce de mur de cette guerre froide qui nous a coupé aussi de l'œuvre d'Elmar Lersky. Exactement, exactement. Vous abordez un aspect important. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des amis d'Ilersky qui sont retournés en ex-RDA à Berlin-Est, qui sont devenus membres de l'Académie des Arts là-bas. Et on lui a consacré une première monographie dans les années 50. Et peut-être aussi dû à la guerre froide, il était aussi considéré d'abord comme un photographe apprécié par l'Est, par une esthétique plutôt socialiste. Et en Suisse, dans les années 70-80, personne ne s'intéressait à ce fond, Elmar Lersky, qui justement ne correspond pas aux esthétiques de la nouvelle objectivité d'un Sander ou d'un Reinhard Patsch ou d'autres grands photographes de cette époque. Nicolas Feuilly, vous êtes le commissaire de cette exposition. Comment se saisit-on d'une œuvre alors qu'elle a disparu et qu'on a tout à faire redécouvrir ? J'avais, depuis un certain nombre d'années, connu un petit peu l'œuvre de Lersky, avec surtout son travail Les Métamorphoses par la lumière, son œuvre peut-être majeure, la plus importante, 137 portraits d'un même homme. Et c'est cette série qui a été le plus montrée, disons, depuis l'après-guerre, en fait. Et l'idée, vraiment, ici au musée, c'était de faire une rétrospective, à vraiment montrer l'ensemble du travail de Lersky et de remonter aux sources, à ses premières photos américaines. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est la manière dont, de la part de quelqu'un qui a été acteur, qui a travaillé dans le cinéma, qui est venu à la photo, qui a quitté la photo et est revenu, il y a une très grande cohérence, en fait, dans son travail. Il y a, depuis ses portraits américains, c'est la lumière qui l'intéresse, c'est le travail du portrait, et c'est cette cohérence, cette cohésion de l'ensemble de l'œuvre qui est extraordinaire et qu'on voulait montrer, en tout cas, dans l'exposition. D'ailleurs, sa carrière de photographe, sa première œuvre photographique s'intéresse à ses congénères, à d'autres acteurs célèbres américains ou allemands dans les années 20. Et puis, il va choisir progressivement de s'intéresser plutôt aux sujets anonymes, moins soucieux peut-être de l'image qu'on pourrait transmettre d'eux. Après qu'il ait quitté le cinéma en 1927, il fait quelques portraits de célébrités. Et puis, tout de suite, il en vient à des portraits d'anonymes. Il est peut-être d'ailleurs influencé par Auguste Sander dans le projet, en fait, de photographier comme ça les chauffeurs, les ouvriers, enfin, des gens, des métiers ordinaires, enfin, des modestes. Mais son travail est vraiment à l'antithèse de Sander. Autant Sander est froid, objectif, distant, alors que chez Lersky, il y a vraiment une empathie, il se met très proche de ses sujets. Sensualité même. Une sensualité, tout à fait. Il les transforme presque en stars de cinéma, enfin en tout cas, il les embellit, et c'est vraiment tout son projet d'être très proche de ses sujets de cette manière. Alors, dans les années 20, Elmar Lersky vit en Allemagne, et en 1931, il va faire son premier voyage en Palestine, où justement, parmi les salles suivantes de l'exposition, on peut découvrir une très grande série intitulée « Juifs et Arabes », où il va poursuivre ce travail de portrait d'anonymes et explorer les physionomies. Je vous propose qu'on se rende justement dans cette salle. Paul Salmona, on on découvre ces photographies d'Anne Marlersky, une série qu'il va concevoir après sa découverte de la Palestine. Donc sait-on pourquoi il a envie, en 1931, avec sa femme, d'aller visiter ce pays, la Palestine? Alors, sur le choix de vie en Palestine, on n'a que des informations sur le fait qu'à un moment donné, ça devient contingent pour un juif qui vit en Allemagne au début des années 30 que de quitter l'Allemagne. Hein. Alors, il la quitte avant la prise de pouvoir par Hitler, mais on sent évidemment déjà la montée du nazisme. Cela étant, le premier voyage en Palestine est lié à un projet qui est d'ailleurs un projet français, puisqu'il a proposé à Charles Peignot, l'éditeur de la revue Arts et Métiers Graphiques, de publier un ouvrage qui s'intitule, dans un premier temps, « Visage juif ». Et les premiers portraits qu'il va faire pour cet ouvrage, qui a vocation à être publié à Paris, il va les faire à Berlin, dans une maison de retraite. Et puis il va vouloir élargir le spectre des personnages qu'il veut photographier. Et donc il va effectivement partir en Palestine en 1931 pour s'y installer tout à fait en 1932. On peut penser, indépendamment de ce projet éditorial, qu'il est attiré par l'utopie que représente ce foyer national juif installé formellement grâce à la déclaration Balfour en 1917, dont les premiers kibboutz datent des années 1910, et qui est un espace tout à fait extraordinaire d'expérimentation politique, sociale, relationnelle, artistique aussi, puisque en 1906 est créée l'école Betzalel, donc une nouvelle école des beaux-arts à Jérusalem, enfin une école des beaux-arts à Jérusalem. D'ailleurs, il a en commun avec les premiers artistes qui deviendront les premiers artistes israéliens, les créateurs de l'école Betzalel, il a en commun un intérêt qu'on va retrouver dans la série Visage juif pour, entre guillemets, le type juif originel incarné, selon ces artistes, par les juifs du Yémen, par les juifs yéménites. Quelque chose peut nous étonner à cet endroit-là, c'est-à-dire que Anne Marlersky, finalement, emboîte le pas aux tendances racialistes des années 30. C'est-à-dire que lui-même, en tant que juif, propose une série de visages juifs, d'explorer, à partir d'un stéréotype, d'explorer toutes les physionomies du judaïsme. Florian Ebner. Pour Anne Marlersky, je suis profondément convaincu que c'est une idée de montrer justement un autre visage que la propagande nazie a montré dans les journaux racistes à l'époque. Alors de montrer un visage plein de dignité sur un sol biblique que les grandes religions partagent en quelque sorte, c'est justement l'idée d'une contre-image à cette propagande-là et de montrer l'image, et justement, ça c'est maintenant important, la conception du visage de Lersky. Pour Lersky, le visage, c'est pas quelque chose de biologique, c'est quelque chose comme une scène qu'il faut mettre en scène, une scène de théâtre ou un grand écran de cinéma où il faut projeter des choses. C'est pour ça, c'est tout à fait une autre conception du portrait et du visage que les photographes nazis à l'époque qui ont plutôt cherché à partir de n'importe quel critère biométrique quelque chose. Paul Salmona. Oui, d'ailleurs, ce qui se passe très rapidement, c'est que la dimension humaniste, en fait, prend le dessus, et que cette série qui s'intitule au départ, enfin, dont le projet et dont Peignot va faire la publicité en France, bien que, in fine, le livre ne sera pas publié, mais le projet s'intitule « Visage juif » et ça bascule, entre guillemets, en arabe et juif. Et la série est un extraordinaire mélange de portraits faits en Allemagne puis en Palestine, de juifs, d'arabes, de bédouins. Donc c'est en réalité, c'est l'humanité qu'il photographie. On est plutôt dans quelque chose, dans la formule sartrienne d'un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous. Nicolas Feuillet, d'ailleurs, on se rend compte qu'Anne Marlersky va porter une attention toute particulière aux juifs yéménites. Oui, quand on regarde la série dans l'ensemble, on voit effectivement quelques portraits pionniers à l'air très très volontaires, mais ils sont en fait finalement assez rares dans l'ensemble des photos prises par Lersky. Et on remarque une vraie fascination pour les juifs yéménites, les jeunes ou les vieux, enfin peut-être particulièrement les vieux, parce que, enfin, à cause de leur peau ridée, leur longue barbe blanche qui les fait ressembler à des prophètes. Et effectivement, comme le disait Paul, cette fascination pour les juifs yéménites qui étaient vus un petit peu comme à l'époque comme les héritiers des juifs des temps bibliques, aussi bien par les sionistes d'ailleurs, les artistes de l'école de Bezalel. Et donc Lersky rejoint un petit peu cette idée-là dans son travail. D'ailleurs, c'est lui-même qui le disait dans une de ses lettres. Il voulait faire le portrait du juif des origines en leur essence. لكرات يديكم ماهرة لكرات يديدي هو ماهرة يمتال عدنا يمتال عدنا يمبال صود ومنا يمبال صود ومنا شمال أخحن بتهارة شمال أخحن بتهارة. Alors peut-être Florian Ebner, montrez-nous ces photographies. Si on regarde vraiment de proche, on voit combien il sculpte en fait l'image par la lumière, par les miroirs qu'il a pour donner cet effet plastique et vraiment presque tactile d'un visage. Il y a une dimension artificielle de la lumière qui est obtenue par tout un jeu de miroirs et d'éclairages qui ne sont pas uniquement l'éclairage du soleil direct. C'est les techniques d'ailleurs qu'il emprunte au cinéma muet, en tout cas au cinéma expressionniste, où l'éclairage est extrêmement travaillé et qui fait qu'on a des sources lumineuses qui viennent de plusieurs endroits, un peu comme la lumière est artificiellement construite par le peintre dans un tableau. Lersky, c'était toujours son truc, la lumière. Et dans les grands studios du cinéma expressionniste, tout était dans les noirs. Et puis il a commencé, à l'aide de sources de lumière, de construire une image. Maintenant, il est sur un toit à Jérusalem ou à Tel Aviv pour prendre en photo ses modèles. Et sous le soleil du Levant, il rajoute encore justement tous ces jeux des miroirs qui donnent une certaine artificialité ou un effet plastique à l'image. C'était en fait lui en tant que photographe qui dessine par la lumière ce caractère. Et par ses photographies, par ce travail qu'il fait en arrivant en Palestine, peut-être aussi par ce qu'on sait des personnes qu'il y rencontre, qu'il y fréquente, qu'arrive-t-on à entreapercevoir de son regard sur la construction de ce foyer national juif, Paul Salmona ? Sur la série Juif et Arabe, on a quand même deux visions essentiellement. On a une vision de la Palestine traditionnelle à travers les portraits d'Arabes et de Bédouins et les portraits de Juifs yéménites. Et puis on a une vision de la nouvelle Palestine, du futur État d'Israël à travers des portraits très volontaires. Tout à fait imberbe cela, tandis que les autres sont très marqués par leur pilosité, il faut le dire, de ces chaloutsim, de ces pionniers, de ces bâtisseurs des kibboutzim, qu'ils photographient de très près avec un, et ça c'est une chose qu'on va retrouver ensuite, avec un visage extrêmement volontaire. On sent vraiment l'orgueil, la volonté, la détermination. Le tout, en fait, les visages différents des personnes qui viennent des Yéménites, mais aussi des Juifs immigrés de Pologne. Tout ça forme l'idée d'un visage composite d'une jeune nation. Alors, tous les visages qui donnent un grand visage de cette jeune nation. En même temps, il travaille sur une série où un seul personnage, un jeune homme, incorpore une centaine de visages. Alors un peu le modèle contraire où d'un seul visage, justement, ces protagonistes, en fait, apparaissent. Ça, c'est un peu la série complémentaire à ce grand projet des visages juifs et arabes. Il y a une salle que vous avez intitulée « L'œuvre sioniste ». Nicolas Feuilly, je vous regarde parce que vous êtes le commissaire de l'exposition, mais j'imagine que c'est une responsabilité collective, qui nous fait le récit aussi d'un Elmar Lersky qui va contribuer à la construction des institutions photographiques, cinématographiques, du futur Israël. Oui, on peut vraiment dire que Lersky a joué un grand rôle dans la construction d'une identité artistique en Israël, enfin dans la future Israël. En tout cas, il a été un pionnier, il a été un maître, il était déjà d'ailleurs beaucoup plus âgé que les autres photographes, puisque il a près de 60 ans quand il vient en Palestine. En 1931, 1932. Oui, voilà. Et donc, il a marqué vraiment l'esthétique à venir de la Palestine, tant au niveau photographique que cinématographique. Il a d'ailleurs fondé, avec Walter Tzadek, la première association des photographes juifs professionnels. Et il a aussi donné des cours, on le voit sur quelques photos, en train d'expliquer à des amateurs ou d'autres photographes sa méthode photographique avec les miroirs. Florian Ebner, comment évalue-t-on aujourd'hui cette contribution d'Elmar Lersky à la construction pour les Juifs de Palestine et ensuite pour les Israéliens, d'Elmar Lersky à cette invention esthétique nationale également? Ça, il faudrait aussi demander aux artistes israéliens, en fait. Qui s'en inspirent aujourd'hui. Qui s'inspirent. Il y a, par exemple, une artiste vraiment très, très importante, Yael Bartana, qui habite à Tel Aviv et à Berlin. Et quand on regarde son travail, c'est un travail, en même temps aussi critique au niveau sur le sionisme et sur le regard d'époque, mais en même temps aussi profondément inspiré par cet inventeur des visages. Alors c'était quelqu'un qui était important à l'époque, mais je pense qu'il est maintenant encore considéré comme un personnage très important pour la photographie en Palestine, qui devient la photographie israélienne. Ouais. Pour répondre à votre question précédente, j'ai envie de dire qu'on ne sait pas s'il adhère idéologiquement de manière très intense au projet sioniste en tant que tel. En revanche, il est très intéressé par le caractère expérimental de ce qui se passe à ce moment-là au Yishuv, dans le foyer national juif en Palestine. Il a beaucoup de liens avec des tas d'artistes, d'intellectuels, notamment allemands, immigrés dans les années 20 et dans les années 30. Et tout ce qui s'invente l'intéresse. Et même si lui-même, d'une certaine manière, reste attaché à une pratique assez traditionnelle, même un peu archaïsante de la photographie, puisqu'il utilise une très grosse chambre avec un très gros objectif, sur un trépied, qui implique des séances de pose un peu complexes, un peu laborieuses. Et en plein soleil, comme on l'a bien compris. Et en plein soleil, qui sont un peu désuètes depuis l'invention des appareils compacts, comme le Rolleiflex ou le Leica, qui vont permettre les instantanées, les photographies de la vie quotidienne prises à la sauvette dans la rue, dont le représentant le plus emblématique est Cartier-Bresson, si vous voulez. Donc, c'est à la fois une posture d'expérimentateur, parce qu'il est en Palestine, et en même temps, c'est un photographe assez attaché à un certain expressionnisme photographique qui est un peu en décalage par rapport à ce qui se fait dans ces années-là. On se trouve dans cette salle intitulée « Métamorphose par la lumière » où là on voit un travail en série d'Elmar Lersky photographiant le même visage en le sculptant littéralement grâce à la lumière. Peut-être, Nicolas Feuilly, vous allez nous présenter à la fois le modèle, la démarche et cette avancée dans l'œuvre d'Elmar Lersky. Après la série Arabe et Juif, en fait, en 35-36, Lersky entame cette œuvre, ce travail, en quelques mois, et réalise 137 photoportraits d'un même homme, un jeune ingénieur qui travaillait à un cabinet d'architecture et qui était au chômage, en fait, et que Lersky déclare l'avoir embauché parce qu'il n'avait aucun talent d'acteur et qu'il le voyait comme une sorte de support neutre pour ses recherches photographiques. Et là, ce travail a constitué pour Lersky son chef-d'œuvre. Il le considérait comme son chef-d'œuvre. C'est ce que aussi la critique considère aujourd'hui peut-être son œuvre la plus emblématique, la plus aboutie, la plus caractéristique de sa démarche, du travail de la lumière, de la caractérisation par le cadrage, par la lumière sur un visage. Florian Ebner, on se trouve là véritablement dans la pièce avec cette série qui est la plus spectaculaire d'une certaine façon d'Elmar Lersky. On voit ici toutes les couches à la fois, on voit l'écran black, alors cet appareil en fait qui est déjà démodé, mais en même temps on voit cette modernité qui est à la fois le cadrage mais aussi l'idée de la sérialité même. Et je pense justement si on regarde ces photosculptures ici, on comprend pourquoi c'est une œuvre qui, en fait, encore aujourd'hui inspire beaucoup, surtout des artistes. Récemment, cette série a été exposée à Berlin, dans cette institution KW, alors un lieu de l'art contemporain par excellence. On expose justement cette série et c'est vraiment une série qui, à mon avis, qui marque ou qui est un chef-d'œuvre de la photographie du XXe siècle. On voit justement trois photographies sur ce mur, le même visage. On voit trois caractères tout à fait différents. On croit voir un chevalier du Moyen-Âge, d'un film expressionniste, où on voit un visage très sensible de quelqu'un où on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, quelque chose d'androgyne. Alors, c'est des différences, des visages diamétralement opposés et d'une grande intensité, d'une grande présence, d'une grande beauté plastique. Et c'est ça exactement qui a inspiré et inspire encore aujourd'hui l'idée et en fait l'idée folle de cette série. Qu'il a réalisé dans un espace-temps de 6 semaines, justement sur un toit de Tel Aviv avec ce jeune homme. Ouais. Il y a une citation d'ailleurs sur un des murs de l'exposition qui évoque ces dimensions temporelles et esthétiques à travers ce même personnage où il est question de Napoléon, si je me souviens bien. Et on peut lire « J'écrivais avec la lumière et du modèle sortir toutes les formes de ma fantaisie, tour à tour Napoléon, un mendiant, un moine du Moyen-Âge, un croisé, un technicien moderne, un fanatique religieux, la statue gothique, le masque mortuaire. » Donc effectivement, c'est à partir de ce visage, de ce portrait de cet homme, il le transforme, mais ce qui est remarquable, c'est uniquement par le moyen de la lumière, pas du tout avec des grimaces, enfin des expressions du visage, ni aucun support de costume ou de décor. On peut peut-être ajouter que ce sont des portraits cadrés extrêmement près, hein, qui ne prennent même pas la totalité du front ni des joues, avec des effets de lumière qui mettent en valeur, selon les cas, le nez, le menton, les globes oculaires. Enfin, c'est une photographie très, très, très, très, très près du visage. Et surtout, hein. La peau. Et la peau. Alors, on voit le grain de la peau d'une manière absolument incroyable. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est effectivement, il fait ça sur des plaques de grand format, 24 par 30, donc plus grandes qu'une feuille A4, en fait, hein, et qu'il tire par simple contact. Et en réalité, si on se situe un tout petit peu dans l'histoire de l'art, on pourrait parler de photos colossales, parce qu'elles sont plus grandes que la taille naturelle du visage de Léo Schatz, son modèle. Un peu comme les portraits d'empereurs dans l'Empire romain qui étaient démesurés. Alors je vous garde avec moi, Paul Salmona, parce que nous n'avons pas terminé justement sur cette question de l'adhésion ou du regard, en tout cas, d'Elmar Lersky sur la question sioniste, pour vous emmener dans la prochaine salle, ou une des prochaines salles, en tout cas, donc intitulée l'œuvre sioniste. Tout à fait. nous y voilà dans cette première partie de cette vaste salle consacrée à ce que vous avez intitulé l'œuvre sioniste d'Elmar Lersky. Et nous sommes devant le film important de cette période d'Elmar Lersky, Avoda. Le titre est Avoda, c'est-à-dire travail, qui représente un motif ou une geste qui va devenir classique dans l'histoire de la création et de l'invention de l'État d'Israël, puisqu'il s'agit de représenter les pionniers au travail, les colons arrivant sur cette terre de Palestine et aménageant ce territoire pour y vivre. Oui, tout à fait. En fait, Lersky crée pour la Histadrout, donc le syndicat des travailleurs juifs en Palestine, un atelier de réalisation cinématographique dans lequel il va réaliser plusieurs films. Et le plus connu, le plus emblématique, c'est Avoda, donc qui veut dire travail ou labeur en hébreu, et qui représente le travail des pionniers, donc dans les kibbutzim, mais aussi la recherche de l'eau, la construction des routes, enfin l'ensemble de ces activités auxquelles se livrent ces nouveaux immigrés pour faire de la Palestine ce que sera Israël. Et donc on est là dans une geste qui est déjà ancienne en fait, hein, enfin qui tire ses racines des prémices du projet sioniste et de l'idée que il faut faire des juifs d'Europe qui étaient considérés comme des parasites, je mets les guillemets qu'il faut bien entendu, des travailleurs, des actifs, hein. On a la constitution en Russie à la fin du 19e siècle de l'organisation Reconstruction Travail, hein, qui a pour vocation de former les juifs aux travaux artisanaux, agricoles, industriels, et c'est évidemment des notions qu'on va retrouver dans l'ensemble du processus de la création des kibbutz en Palestine, hein. Et c'est ça qu'on voit à l'œuvre dans Avoda d'une manière extrêmement belle, qui fait penser d'ailleurs au jeune cinéma soviétique, hein, au cinéma de la pré-révolution. C'est d'ailleurs très curieux parce que c'est un film tourné en 35, mais qui est muet et qui est post-synchronisé, avec essentiellement de la musique, et une musique qu'il a commandée à Paul Dessau, qui sera aussi l'un des musiciens préférés de Bertolt Brecht. Florian Ebner, on voit un Elmar Lersky qui sort de sa zone de confort. On est dans des plans extrêmement mobiles, voire parfois très, très brutales quand il s'agit de travailler la matière. Je crois que là, on voit des personnages qui scient, qui coupent, qui clouent, qui forgent. Et souvent, il utilise aussi le gros plan, que ce soit les outils, les mains, les visages. C'est un montage très, très dynamique, en fait, de gros plan qui est le plan moderniste par excellence, ce qui fait aussi la beauté formelle de ce film, et ce qui est importé toujours, c'était important pour Lersky, plus en fait cet effet esthétique que de traduire un message bien politique, bien compréhensible, bien lisible pour tout le monde. D'ailleurs, ce film Avoda va être reçu de manière très diverse, Nicolas Feuilly, et ne fera pas l'unanimité. Alors, ce film a été conçu dans une optique propagandiste, sioniste. On voit bien, même dans l'image, il s'agit de montrer les accomplissements des pionniers juifs en Palestine, la construction de Tel Aviv, les travaux agricoles, la construction, etc. Mais sur le plan de la forme, c'est totalement avant-gardiste. Tous les gros plans, à la fois sur les machines, sur les hommes, ça a d'ailleurs beaucoup gêné les commanditaires d'organisations sionistes qui l'ont même pas utilisé en tant que tel, en tout cas. Et par contre, le film a été présenté au Festival de Venise en 1935, où il a eu un bon succès critique Et toutes ces audaces formelles, en tout cas, ont eu du succès. Et donc, c'est un peu le statut assez paradoxal de ce film, d'avoir un peu manqué sa cible, mais en avoir finalement atteint une autre. Nicolas disait tout à l'heure que Lersky est arrivé en Palestine, il avait 60 ans, donc il est considéré comme un maître, et on fait beaucoup appel à ses services. Et en même temps, l'audace de ses partis pris formels font que ses commanditaires, qui ont des visées assez prosaïques de propagande, comme le disait Nicolas, sont plutôt déçus. En revanche, c'est très bien reçu sur le plan artistique. On en a un autre exemple avec la commande des soldats juifs, qui va donner lieu à une exposition qui s'intitule « Combattre et travailler » en 1943 au Musée d'art de Tel Aviv, et qui va être reçue très bien sur le plan artistique, mais qui va décevoir les commanditaires pour ses visées propagandistes. Mais justement, emmenez-nous voir ces photos, cette série sur les soldats juifs. La série des soldats juifs, c'est une série commandée par le Keren Hayesod, le Fonds national de construction en terre d'Israël, pour une exposition qui est prévue au Musée d'art de Tel Aviv en 1943, qui est assez bien documentée d'ailleurs, dont on a des images. Et pour cette exposition, donc il y a vraiment une exposition de propagande, il faut se resituer dans le contexte des années de la Deuxième Guerre mondiale. Pour cette exposition, Lersky fait un ensemble de portraits de soldats juifs dans l'armée britannique qui tranchent complètement avec l'iconographie conventionnelle des photographies de soldats qui sont généralement pris en pied dans une lumière assez uniforme et dans des poses assez conventionnelles. Là, à l'instar de ce qu'on a vu plus haut avec les métamorphoses de la lumière, avec ces 137 photos de Léo Schatz, on a des très très gros plans sur des soldats qui ne sont d'ailleurs reconnaissables comme soldats que parce qu'ils ont un béret ou une casquette militaire, et qui sont tous caractérisés, un peu comme les pionniers qu'on a vus plus haut, par ce côté extrêmement fier, orgueilleux, déterminé, volontaire, qui tranche alors évidemment complètement avec l'image, le topos, l'idée reçue des juifs résignés face à l'adversité. On est exactement dans une image opposée de gens qui se battent. Parce que ce topos, ce mythe de la passivité juive, est déjà actif dans ces années, à la fin des années 30, Paul Salmona ? Alors, ce qui est certain, c'est que ça a été beaucoup dit évidemment à tort à propos de l'attitude des juifs à partir de la prise du pouvoir des nazis pendant la Shoah, alors que dans la réalité c'est tout à fait faux. On en a évidemment des preuves à travers les photos qu'on a sous les yeux, mais on en a aussi des preuves à travers toutes les organisations qui, par exemple en France, ont organisé le sauvetage, les organisations juives qui ont dont la forme de résistance a été l'exfiltration des juifs, qui ont d'ailleurs permis que 75% des juifs de France échappent à la Shoah. Mais évidemment ça préexiste. Alors ça préexiste parce que d'une part les communautés juives étaient tout à fait minoritaires dans les sociétés d'accueil, même là où elles étaient très importantes, comme en Pologne. Et on a souvent attribué aux Juifs une attitude de résignation et de passivité par rapport aux persécutions qu'ils subissaient, ce qui, dans la pratique, est faux. On a des réactions extrêmement organisées à un certain nombre de pogroms, on a des organisations qui se constituent, on a un combat politique qui s'organise, évidemment, chaque fois qu'il y a des persécutions. Et là, en l'occurrence, ces photographies de soldats juifs de Palestine, ce sont des soldats engagés dans l'armée britannique. Ben oui, on est encore en Palestine mandataire, c'est-à-dire que c'est la Grande-Bretagne, c'est le Royaume-Uni qui a un mandat sur la Palestine depuis la fin de la Première Guerre mondiale. C'est la Grande-Bretagne qui, entre guillemets, gère la Palestine, a dans un premier temps toléré l'installation d'un foyer national juif, puis ensuite on a contraint de manière drastique les modalités jusqu'au départ des Anglais. Et il y a eu effectivement toute une série de juifs qui se sont engagés dans l'armée britannique parce que, très clairement, l'ennemi c'était le nazisme. Et d'ailleurs, on va retrouver ces cas de figures-là, d'engagement de citoyens nationaux juifs aux États-Unis et dans d'autres pays alliés qui vont contribuer à cette guerre. Bien sûr, dans toutes les armées qui vont combattre le nazisme, dans la résistance en France notamment et de manière exemplaire, admirable. Et ces soldats qu'on a sous les yeux vont former, ou est d'ailleurs été déjà dans la Haganah, qui était l'organisation d'autodéfense et qui va être l'embryon de la future armée d'Israël. Série de photographies de soldats d'Elmar Lersky bouscule le genre de la photographie militaire, mais elle gagne ici aussi en légèreté. C'est-à-dire qu'on en a certaines qui sont presque drôles, presque grotesques, sans pour autant se moquer d'ailleurs de son sujet, mais qui tentent d'insuffler un peu de lumière peut-être dans un contexte de guerre qui alourdit évidemment le climat politique et social. Bon, c'est votre remarque, observation, mais effectivement, il y a des images des soldats photographiés de manière qu'ils rappellent en fait un récit ou une pièce de théâtre des aventures du brave soldat Schweik qui était à l'époque en fait sur les scènes à Berlin quand Lersky vivait là-bas. Il y a des visages très déterminé. Il y a aussi d'autres visages qui sont, oui, qui frôlent aussi un peu le comique, la caricature. Le comique troupier. Oui. Nicolas Feuilly. C'est vrai, quand on voit ces portraits, je trouve qu'on a du mal à imaginer que c'est des gens qui étaient, qui sont battus sur le front, qu'ils y aillent ou qu'ils en reviennent et qui ont, pour beaucoup d'entre eux, ils ont perdu la vie. Là, on est dans quelque chose de tellement vivant, enfin déterminé, mais donc il y a ce contraste en fait entre la guerre qui est derrière et l'image qu'on voit de ces soldats et des femmes soldats aussi, d'ailleurs des très beaux portraits de femmes soldats. Salmona, que fait Elmar Lersky pendant la guerre ? Des photos, des films. Il n'a plus l'âge de se battre. Hein. D'ailleurs, en mars 1948, il quitte la Palestine quelques semaines avant la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Est-ce qu'on sait pourquoi, d'ailleurs ? On peut faire l'hypothèse qu'il est en Palestine, plus pour ses projets artistiques dans un premier temps. On a parlé des visages juifs et arabes. Et pour cette utopie en marche que constitue le foyer national juif, les kibbutz, la construction d'un nouvel État, cette pages vierges qu'il faut entièrement écrire. En tout cas, c'est la perception qu'on en a dans le monde juif, c'est la perception que veulent en donner les institutions juives, hein, le Keren Hayesod, le KKL. Et il n'est pas certain qu'il ait totalement adhéré à l'ensemble de l'édifice idéologique du sionisme. Et probablement, en 48, il a 77 ans, le climat de guerre, l'incertitude, fait que cet homme qui est déjà âgé préfère se mettre à l'abri dans la Suisse de ses parents. Finalement, on ne sait pas grand-chose, Nicolas Feuilly, de ce qui se passe dans ces années-là pour Elmar Lersky. En tout cas, il a continué à travailler. On voit dans l'exposition, les soldats juifs, c'est en pleine guerre, donc 41-43. Il y a la série, il y a une série notamment qui est à la fin de l'exposition, où il fait des agrandissements, enfin, face à la pénurie de matériel. Il utilise des portraits des séries soldats juifs et métamorphoses par la lumière pour faire des agrandissements de détails du visage. Ça montre son inventivité, sa capacité à se renouveler, même dans le genre très étroit du portrait, dans son type de travail. Il y a aussi les portraits de mains qu'il réalise aussi dans les années 30-40, enfin on ne sait pas exactement, qu'il expose au Musée des Beaux-Arts de Jérusalem, et aussi des mains au travail, aussi une série très, très, très novatrice, très surprenante. Et donc on voit pendant toutes ces années en Palestine la manière dont il se renouvelle, dont il invente toujours des nouvelles formes, même à l'âge avancé où il était déjà. Vous êtes d'accord, Florian Hebter? Je pense qu'il faut toujours comprendre que c'est quelqu'un qui a appris la photographie à l'âge de 39 ans et tout était là déjà en fait. Quand on regarde ses premiers portraits, de comprendre qu'il conçoit le portrait comme un défi plastique et quelque chose en fait que c'est lui en tant que photographe qui donne le caractère à son modèle. Et quand on regarde son évolution, c'est plutôt sur le plan d'une certaine radicalité formelle qui lui mène justement à s'approcher de plus en plus jusqu'à arriver en fait à une idée de la photographie presque dermatologique en quelque sorte, de transformer les rides de la peau dans des paysages. Alors c'est surtout sur ce plan formel qu'il y a une certaine radicalité moderne, pas sur l'idée du portrait en tant que tel. Ouais. Il a photographié des mains, aussi ses mains qui tiennent un bout de film, mais aussi les mains d'architectes, des mains d'une dessinatrice, Léa Grundig, d'un architecte, Monsieur Ornstein, qui était un ami, des mains des agriculteurs. Et c'est, je trouve aussi une très très belle série, aussi une série importante de penser la photographie, le gros blanc. C'est-à-dire, c'est vraiment le gros plan, c'est quelque chose qui vient du cinéma, qu'il sauve avec, après la fin du cinéma expressionniste muet, qu'il transfère, en fait, dans la photographie, comme quelque chose, comme une esthétique spécifique de la photographie ou des arts, des appareils, en fait, comme le cinéma et la photo. Et c'est pour ça, cette série des mains, c'est d'une grande beauté, qui s'intègre parfaitement dans sa vision. Et vous, Florian Hebner, que pensez-vous de ce départ très rapide d'Elmar Lersky en 1948, à quelques semaines de la fondation, de la création de l'État d'Israël? Bon, je pense qu'il voulait aussi gagner le pays de son enfance, aussi l'Europe. Il y avait ses amis comme justement Léa Grundig ou d'autres qui sont partis pour l'Allemagne de l'Est, en fait, pour un État qui était en train d'être fondé à ce moment-là. Et je crois que c'était un peu un retour motivé aussi pour regagner l'Europe. Ouais. Donc, vous voulez dire que d'autres artistes, notamment des proches de Delmar Lersky, ont quitté la Palestine, qui va devenir Israël, à ce moment-là, pour, dans une certaine façon, toujours être dans une quête d'invention utopique d'un nouvel État ? On ne sait pas. On savait que même Bertolt Brecht a fait des essais pour que Lersky devienne membre de l'Académie der Künste à Berlin-Est. Ça n'a pas marché à la fin, mais c'est à la fois peut-être se sauver de ce pays qui était, voilà, qui était menacé par une guerre, mais peut-être aussi justement pour gagner l'Europe, la Suisse de son enfance, ou Berlin, où c'était enfin sa grande époque. Mais en même temps, il était proche de Martin Buber. Je ne suis pas sûr s'il était vraiment pour cette... pour ce conflit, il était toujours quelqu'un, je crois, qui a opté pour une forme d'un État binational. يا عود متكي على المخمل بتتوجع وبتروح آخر دني وترجع بتكتب وتمحي حدود. Voilà pour cette balade sonore dans cette exposition consacrée à Elmar Lersky jusqu'au 26 août au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Cette balade sonore était menée par Anaïs Quien, réalisée par Thomas Duterre et enregistrée par Alexandre Abergel. Demain, dans la Fabrique de l'Histoire, quatrième volet de notre série Israël, l'invention d'un État, retour sur l'histoire du processus de paix au Proche-Orient. À demain.